Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gâteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Marguerite Gâteau, bonjour. Pour cette collection Première lecture, lecture d'enfance, vous posiez à chaque fois une question à un acteur. Quel était le livre de sa petite enfance? Quel est le livre qu'il avait envie de transmettre? Est-ce que vous étiez étonnée, en général, des choix? Alors, il faut savoir que moi, quand j'étais une petite fille, j'étais une très grande lectrice. C'est-à-dire que je lisais, je dévorais tout ce qui traînait. Et donc, en fait, la plupart des livres qui m'ont été proposés, je les avais lus, sauf quelques-uns qui m'ont vraiment, où j'ai vraiment fait des découvertes. Alors, par exemple, Daniel Hivernel qui a choisi Charles-Louis Philippe. Alors moi, je savais même pas qui c'était Charles-Louis Philippe. Grâce à lui, j'ai lu ses contes du matin qui sont une pure merveille. Ils sont pas du tout pour les enfants, d'ailleurs, il a triché ou alors, je ne sais pas. Enfin, c'est invraisemblable d'avoir lu ça petit. Mais en tout cas, c'est tellement étonnant et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est complètement tombé dans l'oubli aujourd'hui. Grâce à lui, je l'ai lu. De même, je ne connaissais pas. Maintenant, je sais que le livre est à nouveau à la mode, Le Tour de la France par deux enfants, que Jean-Marie Prolier a proposé. Donc, j'ai fait des découvertes. Dans l'ensemble, j'étais pas si étonnée que ça, parce que, par exemple, Michel Robin, qu'on va entendre aujourd'hui, qui a choisi Les Aventures de Pinocchio, ça lui va absolument comme un gant. Je ne saurais pas dire pour tout quoi, mais parce que c'est tellement l'humour, la fragilité, en même temps la fantaisie de Michel Robin. Et Michel Robin, alors c'est comme Emmanuel Riva, c'est devenu vraiment un très long compagnonnage de travail. On a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble. Il est tellement drôle, tellement talentueux. Et moi, je crois que j'avais travaillé avec lui, mais je l'avais vu dans ce film suisse dans lequel il avait joué, où il était tellement extraordinaire. Et donc, j'ai eu envie aussi de le rencontrer. Voilà. Donc sinon, il y en a un aussi, bien entendu, qui m'a étonnée, dont je ne connaissais pas le texte. C'est Pascal Zonzi, avec les lectures de Mamadou Ebinetta. Mamadou Ebinetta, c'était les livres dans lesquels les petits Africains, à l'époque, dans les colonies, apprenaient à lire, en fait. Et c'était resté, même après la décolonisation, ils ont continué à travailler sur Mamadou Ebinetta. Et donc, j'ai découvert cette chose extraordinaire qui sont ces livres qui étaient édités en France, à Paris, etc., une maison d'édition, et qui étaient conçus pour les petits Africains. Et La Guerre du Feu, c'est aussi un livre qu'on lit beaucoup moins aujourd'hui, par exemple, j'ai l'impression. Ah oui, alors ça, je ne l'avais jamais lu parce que c'était un truc pour garçons, pour moi. Je n'avais pas lu non plus Les Aventures de Tom Sawyer. Je les connaissais, hein, je connaissais comme ça le titre, l'histoire, mais je ne les avais jamais lus. Donc c'est Jean-Marc Thibault, lui, qui les avait choisis. Ça, c'est vraiment des trucs de garçons. Merci Marguerite Gâteau. Nous vous écoutons maintenant avec Michel Robin. Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, Michel Robin lit Les Aventures de Pinocchio de Collodi. Il y a plein de... Comment ça s'appelle? D'illustrations qui sont très très jolies. Et le livre que j'avais était plus... J'étais enfant, il était plus grand. Non, mais les images étaient à peu près les mêmes. Là, il y a le renard. C'est beau aussi, toute l'histoire du renard et des pièces d'or. C'est là où il va les planter. Enfin, il va les enterrer et qu'ils vont repousser. Enfin, il y en aura plus, c'est ça l'histoire. Oui, c'est ça, le renard. Et qu'il y a les deux brigands qui arrivent. C'est un professeur, un instituteur que je crois, je ne me souviens plus si c'est en 9e ou en 7e, je ne me rappelle plus, qui nous avait lu un chapitre de... qui avait commencé à nous lire Pinocchio. Je dis un chapitre, j'en sais rien, ce qu'il nous avait lu, je ne me rappelle plus. Mais ça m'avait absolument donné envie de le lire. Et je sais qu'à l'époque, ma mère avait eu beaucoup de mal à trouver Pinocchio. C'était dans les années 1930, hélas, 37 ou 38, par là. C'était juste avant la guerre. Et je ne crois pas qu'on trouvait aussi facilement. C'était en province. Bon, alors, il y avait beaucoup moins de librairies que maintenant. Mais elle n'avait pas trouvé comme ça directement. Il a fallu commander le livre pour l'avoir à l'époque. Comment le père Cerise, menuisier de son état, trouva un morceau de bois qui pleurait et riait comme un enfant. Il y avait une fois un roi, vont aussitôt dire mes petits lecteurs. Non, mes enfants, vous vous trompez. Il y avait une fois un morceau de bois. Ça n'était pas du bois fin, mais un simple morceau de bois à brûler, de ceux que l'on met l'hiver dans les poêles et les cheminées pour allumer le feu et chauffer les appartements. Je ne sais comment il se fit, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'un beau jour, ce morceau de bois échoua dans la boutique d'un vieux menuisier qui avait nom Maître Antonio, bien que tout le monde l'appelât le père Cerise, à cause du bout de son nez qui était toujours luisant et vermeil comme une cerise mûre. À peine le père Cerise eut-il vu ce morceau de bois, qu'il en fut tout réjoui, et se frottant les mains de contentement, il marmonna à mi-voix « Ce bois m'arrive fort à propos, je vais m'en servir pour faire un pied de guéridon. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Il saisit sur le champ sa hache, bien effilée, pour commencer à enlever l'écorce et à dégrossir le bois. Mais, comme il allait donner le premier coup, il demeura le bras en l'air, car il avait entendu une petite voix, frêle, frêle, qui disait sur un ton suppliant « Ne me frappez pas trop fort !» Vous vous imaginez l'effet produit sur ce bon vieux père Cerise. Ses yeux égarés firent le tour de la chambre pour voir d'où pouvait bien sortir cette petite voix. Mais il ne vit personne. Il regarda sous l'établi, personne. Il regarda dans une armoire, pourtant toujours fermée, personne. Il regarda dans la caisse à copeaux et à sciure, personne. Il ouvrit même la porte de la boutique pour jeter un coup d'œil dans la rue. Personne, personne. Mais alors, « j'ai compris, » fit-il en riant et en grattant sa perruque. « Il faut croire que cette petite voix, je l'ai rêvée. Remettons-nous donc à travailler. » Et, ayant repris sa hache, il en asséna un coup vigoureux sur le morceau de bois. « Aïe, tu m'as fait mal !» fit la petite voix dans un cri lamentable. Cette fois, le père Cerise demeura pétrifié et, dans sa frayeur, il resta les yeux hors de la tête, la bouche grande ouverte et la langue pendante jusqu'au menton, comme un mascaron de fontaine. À peine eut-il repris l'usage de la parole que, tout épouvanté, il se mit à dire en tremblant et balbutiant. « Mais d'où a bien pu sortir cette petite voix qui a fait « Aïe !»« Il n'y a pourtant ici âme qui vive !» Serait-ce par hasard ce morceau de bois qui aurait appris à pleurer et à gémir comme un petit enfant? Je ne puis le croire. Ce bout de bois, il est là devant mes yeux. C'est une bûche à mettre dans la cheminée comme toutes les autres, et à la jeter dans le feu, il y a juste de quoi faire bouillir une marmite de haricots. Mais alors, y aurait-il quelqu'un de caché dedans? Si quelqu'un y est caché, tant pis pour lui. Je vais l'arranger, moi. Et, tout en disant ces mots, il empoigna des deux mains le pauvre morceau de bois et se mit à le taper violemment sans pitié contre les murs de la chambre. Puis il tendit l'oreille pour entendre si quelque petite voix se plaignait. Il attendit 2 minutes, rien. 5 minutes, rien. 10 minutes, toujours rien. « J'ai compris, » fit-il alors, en s'efforçant de rire et en ébouriffant sa perruque. « Il faut croire que cette petite voix qui a fait « Aïe !» je l'ai rêvée. Remettons-nous à travailler. » Et parce qu'une grande peur était entrée en lui, il essaya de chantonner pour se donner un peu de courage. Puis, ayant mis sa hache de côté, il prit en main son rabot pour raboter le morceau de bois et le rendre lisse. Mais, Tandis qu'il le rabotait de haut en bas, il entendit la même petite voix qui disait en riant « Arrête ! Tu me fais des chatouilles !» Cette fois, le pauvre père Cerise tomba comme foudroyé. Quand il rouvrit les yeux, il se trouvait assis par terre. Son visage était devenu méconnaissable et, par suite de sa peur intense, même le bout de son nez, de vermeil qu'il était d'ordinaire, était devenu tout bleu. Michel Robin, où est-ce que vous lisiez dans la maison? Est-ce que c'était dans la maison d'abord? Oui, c'était chez moi. J'avais la chance d'avoir une chambre pour moi tout seul. J'étais seul et je lisais, je crois souvent assis par terre. J'avais beaucoup de mal à lire d'une manière confortable. Je m'installe rarement dans un fauteuil pour lire. Je continue un peu à être ou allongé par terre ou sur le. Mais il y avait une heure où il fallait bien que éteindre. Alors j'avais tout un système pour me mettre sous mes draps. J'arrivais à enfiler ma lampe de chevet sous le drap. Enfin, j'y faisais une chaleur épouvantable. J'étais très très mal. Mais j'arrivais à gagner comme ça un quart d'heure, une demi-heure, pas tous les soirs, mais certains soirs. Je ne suis pas sûr que j'ai lu Pinocchio comme ça. J'ai lu. On me le lisait. J'aimais que ma mère peut-être me le lise aussi. Et puis, c'est un livre que j'ai relu souvent. Que j'ai relu 3-4 fois quand j'étais enfant. Pas entièrement. Il y a des chapitres que je préférais à d'autres. Que je lisais plus facilement. Il y en a que je ne lisais pratiquement jamais. Je lisais presque jamais la fin. L'histoire du. Quand il retrouve son père dans le. J'étais très content qu'il retrouve son père, mais j'aurais pas voulu que ça soit dans le ventre de la baleine. J'y croyais pas, ça ne me plaisait pas, je sais pas pourquoi. Alors que. Je croyais à l'histoire de la marionnette, je croyais à l'histoire de la fée. Bon, j'adorais la fée. Non, j'étais un enfant assez turbulent, or j'étais pas content qu'il fasse des bêtises, alors que j'en faisais toute la journée, moi, ça n'avait rien à voir. Ça, j'aimais beaucoup, beaucoup la fée. Il y a aussi l'histoire des lapins qui, à ce moment, la porte de la chambre s'ouvrait, 4 lapins noirs comme de l'encre entrèrent portant sur leurs épaules un petit cercueil. Et puis, il y a tout le passage du. La baleine, dont j'aimais pas trop, ça me faisait peur, je sais pas. Par contre, l'histoire du cirque, après, là, quand le monsieur vient et frappe, Pinocchio est devenu un véritable ânon, est emmené pour être vendu, et il est acheté par une troupe de saltimbanques. Et là, il y a l'affiche du spectacle, grand spectacle de gala. Ce soir auront lieu les sauts habituels et les surprenants exercices exécutés par tous les artistes et tous les chevaux des deux sexes faisant partie de la troupe. De plus, ce soir sera présenté pour la première fois le fameux âne Pinocchio, dit l'étoile de la danse. Le théâtre sera illuminé à Giorno. J'aimais bien. C'est paradoxal, mais j'aimais bien qu'il se transforme en âne. Parce que j'adorais les ânes, j'avais une passion pour les ânes. Et puis j'aimais le cirque. C'est ces chapitres-là, je crois, que je relisais le plus. Des oreilles d'âne poussent à Pinocchio. Puis il devient véritablement un ânon et se met à braire. Et quelle fut donc cette surprise ? Je vais vous le dire, mes chers petits lecteurs. Cette surprise fut que Pinocchio, à son réveil, fit tout naturellement le geste de se gratter la tête et, en se grattant, il s'aperçut. Devinez un peu de quoi il s'aperçut. Il s'aperçut à sa grande stupeur que ses oreilles avaient grandi de plusieurs centimètres. Vous savez que, de naissance, le pantin avait de toutes petites oreilles, si petites qu'à l'œil nu, on ne les voyait même pas. Or, imaginez sa stupéfaction quand il se rendit compte que ses oreilles s'étaient allongées durant la nuit, qu'elles ressemblaient à des plats à barbe. Il courut aussitôt chercher un miroir pour se regarder, mais n'en trouvant pas, il emplit d'eau la cuvette du lavabo et, se mirant dedans, il vit ce qu'au grand jamais il n'aurait voulu voir, son image ornée d'une magnifique paire d'oreilles d'âne. Je vous laisse à penser la douleur, la honte et le désespoir du pauvre Pinocchio. Il se mit à pleurer, à crier, à se frapper la tête contre le mur, mais plus il se désespérait, plus ses oreilles grandissaient, grandissaient et devenaient poilues vers le haut. Au bruit de ses cris perçants, une belle marmotte qui habitait l'étage au-dessus entra dans la pièce et voyant le désespoir frénétique du pantin, demanda pleine d'empressement. « Qu'as-tu, mon cher voisin ?»« Je suis malade, ma petite marmotte, très malade et d'une maladie qui me fait peur. » « Sais-tu tâter le pouls ?»« Quelque peu. »« Vois donc si, par hasard, je n'aurais pas la fièvre. » La marmotte leva sa patte droite de devant et, après avoir tâté le pouls de Pinocchio, elle lui dit avec un soupir « Je regrette, mon ami, d'avoir à te donner une mauvaise nouvelle. »« C'est-à-dire, tu as une grosse fièvre. » Et quel genre de fièvre est-ce? C'est la fièvre asine, la fièvre des ânes. Je ne comprends rien à cette fièvre, répliqua le pantin qui, pour son malheur, avait bien compris. Alors je vais te l'expliquer, continua la marmotte. Apprends donc que, d'ici 2 à 3 heures, tu ne seras plus ni un pantin, ni un petit garçon. Et que serai-je? D'ici 2 ou 3 heures, tu seras devenu un ânon. Un ânon en chair et en os, comme ceux qui tirent les charrettes et portent les choux et les salades au marché. Oh, pauvre de moi, pauvre de moi, s'écria Pinocchio, se pressant les oreilles à deux mains et les tirant et les molestant comme si il s'agissait des oreilles d'un autre. Que veux-tu y faire, mon cher? Répliqua la marmotte en guise de consolation. C'est désormais ton sort. Il est d'ailleurs écrit dans les décrets de la sagesse que tous les enfants paresseux qui prennent en dégoût leurs livres, leur école et leur maître et passent leur temps à musarder, jouer et se divertir doivent, tôt ou tard, se transformer en petits ânes. Alors, c'est donc bien vrai? Demanda le pantin en sanglotant. Trop vrai, malheureusement. Et tes larmes ne serviront à rien maintenant. C'est avant qu'il fallait y penser. Mais ce n'est pas ma faute. La faute, crois-moi, marmotte, est tout à Lumignon. Et qui est ce Lumignon? Un de mes camarades de classe. Moi, je voulais rentrer à la maison, je voulais être obéissant, je voulais continuer à étudier et à faire honneur à l'école. Mais Lumignon m'a dit... Pourquoi veux-tu t'ennuyer à apprendre? Pourquoi veux-tu aller à l'école? Viens plutôt avec moi, dans le pays des joujoux. Ah là, nous n'étudierons plus, nous nous amuserons du matin au soir et nous serons toujours joyeux. Et pourquoi as-tu suivi les conseils de ce faux ami, de ce mauvais camarade? Parce que, ma chère marmotte, je suis un pantin sans jugement et sans cœur. Oh! Si j'avais eu un brin de cœur, je n'aurais jamais abandonné cette bonne fée qui m'aimait comme une maman et qui avait tant fait pour moi. Et à cette heure, je ne serais plus un pantin, mais un gentil petit garçon comme tant d'autres. Ah, si jamais je rencontre le mignon, gare à lui. Ah, je lui en débiterais de toutes les couleurs. Et il fit mine de vouloir sortir. Mais quand il fut sur le seuil... Il se rappela qu'il avait des oreilles d'âne et, ayant honte de se montrer ainsi en public, que pensez-vous qu'il imagina? Il prit un grand bonnet de coton et, s'en coiffant, il se l'enfonça jusqu'au bout du nez. Puis il sortit et se mit à chercher Lumignon partout. Il le chercha dans les rues, les places, les petits théâtres, dans tous les coins, mais il ne le trouva pas. Il demanda de ses nouvelles à tous ceux qu'il rencontrait en chemin, mais personne ne l'avait vu. Finalement, il alla le chercher chez lui et, arrivé à la porte, il frappa. Vous m'avez dit que ce qui vous plaisait dans Pinocchio, c'était qu'il devenait un âne et que vous aviez beaucoup d'affinité avec les ânes. Alors je pense que c'est pas seulement parce que vous étiez un mauvais élève. Non, ça n'a rien à voir. Non, d'ailleurs, c'est plutôt ce que j'aime. Ce que j'aimerais pas juste dans... Non, j'avais, quand j'étais enfant, et j'ai toujours une passion, à vrai dire, pour les chevaux. Bon, je trouve ça superbe. Je rêverais d'être champion olympique de concours complet ou je sais pas quoi. Ça me semble très compromis pour cette vie, mais... Non, j'ai une passion. Je trouve ça magnifique. Monter à cheval, je trouve ça extraordinaire. Et j'avais cette passion à 2 ans, donc à 7 ans, j'ai toujours, dès que j'entendais un cheval dans la rue, quand j'étais enfant, il y avait encore plein de chevaux qui passaient, il y avait des livreurs de charbon, je me souviens, entre autres, les chevaux étaient sûrement affreux, mais dès que j'entendais un cheval passer dans la rue, je me précipitais à la fenêtre, et c'est pas qu'il devienne un âne qui me plaisait, c'est que j'aimais beaucoup... les ânes, entre autres, les chevaux. Et j'aimais aussi beaucoup, j'aimais bien parce qu'ils étaient dans un cirque. Et je crois que je ne comprenais pas très bien. Je faisais même peut-être pas le rapprochement avec l'histoire du bonnet d'âne. Quelle place avait la lecture dans votre enfance, dans votre vie d'enfant? Je suis pas certain que c'est une très grande place. J'étais très paresseux. C'était par période, je crois. Il y avait, quand je trouvais un livre qui me plaisait, bon, je le dévorais, puis après, pendant 3 mois, je lisais plus rien du tout. Plus tard, quand j'ai eu 13-14 ans, où il m'arrivait de me mettre dans un coin et de lire beaucoup, beaucoup. Puis c'était toujours aussi par période, mais enfin là, je lisais beaucoup plus. Vos parents lisaient aussi? Il y avait une bibliothèque? Oui, ça, j'ai eu la chance d'avoir... mon père avait... pas beaucoup de temps, mais enfin, il lisait quand même. Il était assez très cultivé, même, et ma mère lisait beaucoup. J'avais un frère qui était plus âgé que moi, qui était en philo, je crois, quand moi j'étais en 6e, et lui parlait à l'époque beaucoup du Sang noir de Louis Guillou, qui est un roman magnifique. Enfin, c'est un des plus beaux livres que je connaisse. Et il était en philo, et j'étais... je devais redoubler une classe, je les ai presque toutes redoublées. Alors, si, c'est vrai, je ne voudrais pas raconter ma vie privée, j'ai fait des études. J'ai mis 10 ans à passer mes 2 bachots et à ne pas avoir ma seconde année de droit. Je ne devrais pas dire ça, parce que mon image de marque va en prendre un sérieux coup. Qui est-ce ? Demanda le mignon de l'intérieur. C'est moi, répondit le pantin. « Attends un peu, je vais t'ouvrir. » Au bout d'une demi-heure, la porte s'ouvrit. Imaginez l'étonnement de Pinocchio quand, entrant dans la chambre, il vit son ami le mignon coiffé d'un grand bonnet de coton qui lui descendait jusqu'au nez. À la vue de ce bonnet, Pinocchio se sentit presque consolé et pensa aussitôt. « Mon ami serait-il malade de la même maladie que moi ? Aurait-il lui aussi... la fièvre asine ? » Et, feignant de ne s'être aperçu de rien, il lui demanda en souriant. « Comment vas-tu, mon cher Lumignon ? » ?»« Très bien, comme un rat dans un fromage de Hollande. » »« Tu parles sérieusement ? » ?»« Et pourquoi dirais-je un mensonge ? » ?»« Excuse-moi, mon ami, mais alors pourquoi gardes-tu sur la tête ce bonnet qui te couvre les oreilles ?»« C'est... le médecin qui me l'a ordonné parce que je me suis fait mal au genou. Et toi, mon cher pantin, pourquoi portes-tu ce bonnet de coton enfoncé jusqu'au nez ? C'est par ordre du médecin parce que je me suis écorché le pied. Oh, pauvre Pinocchio ! Oh, pauvre Lumignon ! Ces paroles furent suivies d'un long silence pendant lequel les deux amis ne firent autre chose que se regarder mutuellement d'un air moqueur. À la fin, le pantin, d'une voix mielleuse et flûtée, dit à son camarade « Permets-moi cette curiosité, cher Lumignon, mais as-tu jamais souffert d'une maladie d'oreille ?»« Oh, jamais !»« Et toi ?»« Oh, jamais !»« Pourtant, depuis ce matin, j'ai une oreille qui me tourmente. J'ai moi aussi le même mal. »« Toi aussi ?» Et quelle est l'oreille dont tu souffres ? Les deux. Et toi ? Toutes les deux. Aurions-nous la même maladie ? J'en ai peur. Veux-tu me faire un plaisir, Lumignon ? Volontiers, de tout cœur. Montre-moi tes oreilles. Pourquoi pas ? Mais je voudrais auparavant voir les tiennes, cher Pinocchio. Non, montre-les le premier. Ah non, mon cher. D'abord toi, ensuite moi. Eh bien, dit alors le pantin, nous allons conclure un pacte en bons amis que nous sommes. Quel pacte ? D'enlever tous deux notre bonnet en même temps. Acceptes-tu ? J'accepte. Alors, attention. Et Pinocchio commença à compter à haute voix. 1, 2, 3. Au mot 3, les deux gamins prirent leur bonnet et le jetèrent en l'air. Alors se produisit une scène qui paraîtrait incroyable si elle n'était vraie. Il advint donc que Pinocchio et Lumignon, en se voyant tous deux frappés de la même disgrâce, et après avoir lorgné mutuellement d'un air effronté, leurs oreilles démesurément allongées, au lieu d'être mortifiés et malheureux, finirent par éclater d'un grand rire. Et ils rirent si fort qu'ils se tenaient les côtes. Mais au beau milieu de son fou rire, Lumignon chancela tout à coup et, changeant de couleur, cria à son ami. « Au secours ! Au secours, Pinocchio ! Qu'as-tu ? Oh là là, je n'arrive plus à me tenir sur mes jambes !»« Et moi non plus !» s'écria Pinocchio en commençant à vaciller et à pleurer. Et en même temps qu'il parlait, leur corps fléchit. Ils se trouvèrent à quatre pattes par terre, marchant sur les pieds et les mains, et ils se mirent ainsi à tourner en courant dans la pièce. Et, tout en courant, leurs bras devenaient des pattes. Leurs visages s'allongèrent et se changèrent en museaux, et leur dos se couvrit d'un poil gris clair, moucheté de noir. Mais savez-vous quel fut le moment le plus terrible pour les deux infortunés ? Le plus terrible, ce fut lorsqu'ils se sentirent pousser une queue. Alors, vaincus par la honte et la douleur, ils voulurent pleurer et se lamenter sur leur sort. Plutôt ciel qu'ils ne l'eussent jamais fait, car au lieu de gémissements et de plaintes, c'est un braiement qui sortit de leur bouche, des « hi-han, hi-han » sonores qu'ils faisaient tous deux ensemble. À ce moment, on frappa à la porte et de dehors une voix dit « Ouvrez ! Je suis le petit homme, le conducteur du coche qui vous a amené dans ce pays. Ouvrez à l'instant ou gare à vous !» Lecture d'enfance. Les aventures de Pinocchio, de Collodi, par Michel Robin. Pierre Mine, Annick Brien, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Cette émission était remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.